Je me présente. Je m'appelle Léna et voici ma famille. Dans ma famille, il y a 5 personnes. Mon père Laurent, ma mère Marianne, ils sont mariés. Il y a aussi mon frère Damien et ma petite sœur Mila.